Vous êtes à l'écoute de CKRL au 89.1 et pour finir l'émission, on va rester dans le thème de l'environnement, mais de façon plus large et surtout du côté réglementaire. En 2013, le marché du carbone au Québec doit entrer en opération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Pierre-Olivier Desmarchais va se faire un plaisir de nous l'expliquer. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour. Alors, oui, le marché du carbone qui risque d'être la plus importante, selon moi, des réformes en matière environnementale depuis les dernières années. Donc, le gouvernement a confirmé en décembre dernier qu'il allait de l'avant avec le fameux système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre. Puis, soulignons peut-être qu'il s'agit d'une mesure qui va sans doute permettre, ou espérons-le, au Québec de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à ceux de 90 d'ici 2020. Alors, si on reprenait l'histoire au début, là, pour comprendre comment ça s'est mis en marche, ce marché du carbone. Oui, en fait, si on remonte, il faut remonter au 17 avril 2008, la date à laquelle le Québec a décidé de joindre les rangs de la Western Climate Initiative. C'est un regroupement de 7 États américains et de 4 provinces canadiennes, dont l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Donc, l'objectif étant d'adopter une approche commune afin de faire face au changement climatique, les parties ont consacré des efforts considérables pour élaborer un programme de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre au niveau de l'Amérique du Nord. Toutefois, soulignons qu'à l'heure actuelle, seul le Québec et la Californie ont adopté une réglementation visant à opérationnaliser le fameux programme. Alors, les autres juridictions ont néanmoins indiqué qu'elles attendraient et continueraient à étudier la proposition avant d'adopter le véritable cadre juridique là, qui pourrait soumettre les industries sur leur territoire à ce marché du carbone. En fait, si on revient aussi au Québec, il faut comprendre que le système de plafonnement et d'échange est prévu dans la loi sur la qualité de l'environnement et que le gouvernement a également adopté un règlement afin de déterminer les émetteurs tenus de couvrir leurs émissions, les conditions et les modalités d'inscription au système. Le règlement prévoit également les droits d'émission pouvant être utilisés, les conditions de délivrance, d'utilisation et de transaction de ces droits, ainsi que les renseignements devant être fournis par les émetteurs et les autres participants au système. Donc, l'objectif du règlement est aussi d'harmoniser la réglementation québécoise avec les normes de la Californie et éventuellement des autres juridictions qui se joindront au programme. Alors, comment ça fonctionne, ça, ce système de plafonnement, d'échange, de droits d'émission d'un effet de serre? Là, tu as nommé plusieurs choses dans le règlement. Comment ça fonctionne? Oui, en fait, la première étape, le gouvernement fixe au départ un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour l'ensemble des émetteurs visés, donc les industries. Ça peut être également des municipalités, mais le plus souvent, c'est des entreprises. Donc, vous aurez compris que pour réduire les émissions d'une manière absolue et atteindre l'objectif fixé d'ici 2020, le plafond sera abaissé progressivement au fil des années. Okay. Alors ensuite, les entreprises visées se voient accorder gratuitement à chaque année par le gouvernement un certain nombre d'unités d'émissions qui tiendra compte de leurs émissions historiques et de leur niveau de production. Donc, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2008 là, que le gouvernement recense là, annuellement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça permet de voir les gros émetteurs et donc de demander à eux de faire un effort. Oui, exactement. Ouais. Puis un effort réaliste aussi. Ouais, donc, le gouvernement, normalement, il n'est pas supposé d'y aller à l'aveuglette. Ouais. Il est supposé d'être bien au courant de comment que les entreprises émettent. Alors, le nombre d'unités qui est alloué gratuitement, vous aurez compris qu'il va diminuer graduellement de chaque année d'environ, on estime, de 1 à 2% à compter de 2015. Alors, c'est là que le programme devient très intéressant et que j'ai surtout hâte de voir comment les entreprises réagiront. Parce que c'est à partir de ce moment-là, Valérie, que nous pourrons réellement observer la dynamique du système d'échange. En fait, les entreprises qui généreront plus d'émissions de gaz à effet de serre que le nombre d'unités allouées devront soit, d'une part, investir dans des technologies propres afin de réduire leurs émissions, ou, la deuxième option, acheter des droits d'émission lors des enchères ou sur le marché du carbone qui regroupe l'ensemble des entreprises. Tandis que les entreprises qui émettront des gaz à effet de serre en dessous de la quantité d'allocation reçue, eh bien, celles-ci pourront vendre leurs unités excédentaires à d'autres entreprises sur le marché du carbone. Donc, nous pourrons déterminer s'il est plus profitable et surtout pour quelles entreprises. C'est là que j'ai hâte de voir s'il est préférable d'innover avec l'installation de nouvelles technologies au lieu d'acheter des droits d'émission. En disant que celles qui vont investir vont pouvoir retrouver leurs dépenses là, finalement en revendant sur le marché du carbone ensuite, en revendant à d'autres des droits d'émission. Exactement. Normalement, c'est ce qui devrait arriver, mais ça va tout dépendre aussi de le prix qui va être fixé l'unité. Ouais. Donc, la réglementation prévoit aussi ce qu'on appelle une période de conformité durant laquelle les entreprises visées doivent couvrir leurs émissions. Donc, par exemple, la première qui a débuté le 1er janvier 2013 se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2014, donc pour une durée de 2 ans. Puis les autres périodes ensuite seront de 3 années chacune. Alors, ce type de réglementation, je dirais que l'avantage, c'est de laisser le soin aux entreprises de s'ajuster, de décider en fait à partir de quand il est plus profitable d'investir dans de nouvelles installations ou technologies, contrairement à la réglementation traditionnelle qui imposait à la base, à une date fixe, l'obligation de réduire ou du moins de ne pas dépasser des seuils d'émission sous peine de recevoir une amende. Donc là, il y a une forme de souplesse avec ce marché-là. Puis soulignons également, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, que les entreprises qui investiront rapidement, par exemple, dans de nouvelles technologies, seront sans doute plus en mesure de vendre sur le marché des droits d'émission pour récupérer en partie leur investissement. Ouais. Alors, quelles sont les entreprises visées? Oui, c'est ça, oui. Alors, le système de plafonnement et d'échange s'applique à toute personne ou municipalité déclarant des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent de CO2. Donc, par exemple, si l'entreprise émet du méthane, on sait que le méthane, si je ne me trompe pas, c'est 25% plus puissant que le CO2, là, donc faut s'ajuster. Ah, 21 fois, bon, parfait, merci François. Merci Monsieur le chimiste. Alors, parmi, par exemple, les secteurs d'activité visés par le système d'échange, on retrouve notamment l'industrie de l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz. Il y a aussi le secteur de la production, du transport et de la distribution d'électricité, de gaz naturel et de la vapeur. Le secteur de la fabrication de produits est également visé. Alors, selon le site du ministère, on compte environ 75 établissements appartenant principalement au secteur industriel de l'électricité qui participent actuellement au système de plafonnement et d'échange. Donc ça, c'est ces 75 établissements qui sont dans les créneaux dont tu as parlé et qui ont des quantités égales ou supérieures à 25 000. Donc, on ne s'attaque pas aux petits... non, pas pour le moment. OK, d'accord. Puis, il n'y a rien, en tout cas, à date, je n'ai rien vu qui disait qu'il allait étendre aux plus petits émetteurs. Mmh. Alors, le système prévoit également des crédits compensatoires. Alors, le gouvernement peut également accorder ces crédits compensatoires aux entreprises visées qui investissent dans des projets, par exemple, pour capter, stocker ou éliminer des gaz à effet de serre. Toutefois, la quantité de crédit compensatoire utilisée pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d'un établissement assujetti ne peut pas excéder 8% de ses émissions pour la période de conformité. Ah, d'accord. Donc, il ne peut pas entièrement compenser ses émissions par ces crédits. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que les crédits compensatoires, souvent, il faut qu'il y ait un promoteur, donc une personne externe qui va, par exemple, je pense rapidement, mais ça pourrait être planter des arbres, donc l'entreprise financerait ce projet-là et pourrait ensuite récupérer une forme de crédit compensatoire pour couvrir ses émissions. Tu as dit aussi que les entreprises qui génèrent plus de CO2 que les unités allouées pourront acheter des droits d'émission lors de ventes aux enchères tout à l'heure. Oui. Ça marche, c'est quoi ça? Alors, pas plus de 4 fois par année, le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs peut procéder à une vente aux enchères d'unités d'émission. Donc, il fixe ainsi la quantité d'unités qu'il entend mettre aux enchères ainsi que le prix minimum. Et par exemple, on fixait, le règlement fixait à l'époque le prix minimum à 10 $ l'unité. Donc, à partir de ce moment-là, la spéculation se met en branle et les entreprises... peuvent en fait relancer les enchères. Oui. Oui, j'ai une question. Pierre-Olivier, si une entreprise émet moins de gaz à effet de serre que, en fait, qu'elle devrait émettre normalement, en fait, que ce qu'on lui alloue, oui. En raison d'un affaiblissement de l'économie, est-ce qu'elle va pouvoir quand même bénéficier de... Parce qu'on sait que quand l'économie ralentit, les entreprises produisent moins, donc les émissions de gaz à effet de serre baissent. Oui, en fait... Tu comprends ma question? Oui, je comprends. Je ne sais pas si le règlement prévoit quelque chose à ce niveau-là. Non, le règlement ne prévoit pas en cas de ralentissement ou de surchauffe économique, là, si le marché reprend. Bien entendu, l'entreprise qui produit moins que les crédits qui lui sont alloués par année, eh bien, elle aura la chance sur le marché de vendre à d'autres entreprises qui produiront plus. Okay. Donc, donc, de façon générale, le marché du carbone, en fait, il y aura nettement une plus faible production de CO2 globalement sur la planète. Mais est-ce que ça risque de jouer sur le prix du carbone à ce moment-là? Parce qu'il va y avoir une moins grande production de CO2. Donc, et le plafond reste le même. Moins de demande aussi pour en acheter, du coup. C'est ça. L'offre et la demande va jouer. Là. On va être comme sur une... À la bourse, quoi. Oui, exactement. Donc, c'est une bourse. Juste vite fait, une dernière question aussi, parce que, avant qu'on termine, parce que tu as parlé plusieurs fois d'unité d'émission. Mais ça veut dire quoi? Alors, une unité d'émission, ça l'équivaut à une tonne métrique de gaz à effet de serre ou d'équivalent en CO2. Ah oui, OK. D'accord. Alors, le gouvernement, justement, en décembre dernier, a fixé les plafonds d'unité. Donc, par exemple, pour les années 2013 et 2014, le plafond a été fixé à 20 millions d'unités, mais à partir de 2015, il monte à 65,3 millions. La raison étant bien simple, de nouvelles catégories d'entreprises seront visées à partir de ce moment-là, comme par exemple les exploitants d'entreprises qui distribuent des carburants et des combustibles au Québec ou qui en importent pour leur propre consommation. Donc ensuite, en 2016, le plafond diminuera à 63,19, 2017, 61 millions, 2018, 58,9 et finalement, là, en 2020, il sera fixé à 54,74 millions. Correspondant qu'au niveau de 1990. Oui, exactement. Donc, en fait, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on va avoir une réduction absolue de l'ensemble des, normalement, pour les grands émetteurs. Là. Donc, les plus petits, s'il y en a plus, c'est certain que ça va peut-être compenser, mais au moins pour les grands, on va réussir à abaisser... les émissions de gaz à effet de serre. Et espérons que les autres juridictions, donc l'Ontario et la Colombie, qui suivent de très près, je pense, vont poursuivre. Puis aux États-Unis, bon, la Californie étant l'État le plus populeux, c'est quand même une bonne nouvelle. Peut-être que les autres États, si l'économie reprend, seront peut-être intéressés à se lancer dans le marché. Puis on pourra recréer ce qui existe peut-être déjà en Europe. Oui, c'est exactement. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, d'avoir éclairci cet règlement pour nous. Donc, reste à voir comment ça va être mis en application et surtout quels en seront les résultats. Et des résultats donc, qui seront à attendre en termes de réduction des émissions de CO2, mais aussi en termes d'innovation industrielle pour réduire nos émissions. Ça risque d'encourager.